souviens comme un soldat, fier de tes médailles, tes combats. Toi qui reviens comme un héros, sais-tu ce qu'elle a fait sans toi? Celle que tu aimes ne t'attend pas. Toi qui avais mis ta confiance dans les beaux yeux de Maria, c'est avec un autre qu'elle danse, et elle dansera bien, crois-moi. Son cavalier était à moi. Venge-nous, venge-toi. Le prix de la trahison passe par là. Venge-toi, venge-nous. Fais ça pour toi, fais ça pour nous. Moi qui reviens de la guerre, je n'y ai pas vu de vipère. Un soldat, fier de tes médailles, tes combats. Sais-tu qu'ils ont sali ton nom et ton honneur à la fois? Venge-toi, venge-moi. La souffrance est une histoire pour nous. La souffrance est une histoire de fou. On ne sait plus ce qu'il faut faire après tout. Se venger ou laisser faire la vie. Oublier et pleurer seul, tant pis. C'est le dilemme. Faut-il punir ceux qu'on aime?